De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. On connaît William Herschel pour sa découverte d'Uranus. Ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est qu'il a grandement été aidé dans ses observations astronomiques par sa sœur Caroline et que le frère et la sœur ont fait bien plus que découvrir une septième planète. Ils ont aussi découvert une lumière invisible, c'est-à-dire l'infrarouge. Une histoire qui vaut le coup d'être racontée. Et c'est Dominique Boudreau, coordonnateur scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques, qui va nous la raconter. Bonjour Dominique. Bonjour François, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même. Très bien, merci. Alors Dominique, si tu nous faisais un bref rappel des idées de base sur la lumière à travers l'histoire. Oui, ben en fait, je peux même commencer avant ça. La conférence annuelle du Centre de démonstration en sciences physiques cette année porte sur la lumière. Alors j'ai voulu mettre en lumière justement ces deux personnages qui ont fait beaucoup en fait, et par leur utilisation de la lumière et par la découverte, comme tu l'as mentionné, des infrarouges. Donc en fait, peut-être qu'on peut commencer justement par la base. À l'époque, déjà, William Herschel naît dans une famille en 1738 en Allemagne, à Hanovre. On est en plein essor de la mécanique newtonienne. Newton a publié donc sa théorie de la gravité. Il a parlé de la lumière. Son point de vue sur la lumière est dominant à cette époque-là. Il a publié en 1704 son livre sur l'optique. Donc, sa vision, c'est que la lumière décomposée par les prismes de verre donne le spectre lumineux. C'est d'ailleurs lui qui va appeler ça un spectre. Parce que dans sa chambre noire où il étudiait justement tout ça, il trouvait que ça ressemblait à un spectre, le fantôme en question. Et donc, va expliquer que la lumière est une particule. Donc, c'est ça qui est en place un peu à cette époque-là. On a aussi, c'est quelques années avant la première mesure, disons, plus officielle, astronomique, de la vitesse de la lumière. Et donc, c'est quand même dans l'air du temps, tout ça, ces recherches sur la lumière. Et il naît dans une famille qui aime beaucoup la musique et qui donc, en passe-temps, fait aussi un peu d'astronomie. C'était pas mal la mode à l'époque. Et ça va marquer, donc, les enfants du père Herschel, qui s'appelle Isaac. Et donc, sur cette base-là, le temps passe. À 14 ans, William va rejoindre l'orchestre du régiment de Hanovre avec son père et son frère, un de ses frères, en fait. Ils vont avoir des débats houleux toute leur jeunesse à propos de la philosophie de Newton, de Leibniz et tout ça. Et à 17 ans, ils partent tous les trois pour la guerre de 7 ans. Alors, la guerre qui opposera la France et ses alliés, ainsi que l'Angleterre et ses alliés. Et qui aura des répercussions, bien évidemment, pour nous en Amérique. Hein. On a perdu la Nouvelle-France à ce moment-là avec le traité de Paris en 1763 au profit des Anglais, voilà. Et donc Herschel, à ce moment-là, découvre l'Angleterre. William Herschel découvre l'Angleterre et en tombe amoureux, en fait, dans cette terre de Newton. Il va y enseigner, il va émigrer là à 19 ans, il va y enseigner la musique, jouer dans des groupes de musique, tout ça un peu partout. Il va voyager beaucoup, puis durant ses longs voyages nocturnes, justement, il va se redécouvrir une passion pour l'astronomie qu'il avait découvert avec son père quand il était plus jeune. Et donc, c'est seulement à 28 ans qui va commencer un journal d'observation astronomique à proprement parler et renouer avec cette passion. Mais il va encore pendant plusieurs années faire de la musique pendant longtemps. Puis à cette époque-là, en fait, les astronomes utilisaient surtout des télescopes qui avaient des lentilles à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et donc, ces lentilles souffraient d'un problème qu'on appelle l'aberration chromatique et ils ne pouvaient pas voir très, très loin ou très, très bien les objets. Précisément, c'est ça. Exactement. Il y avait un télescope qui avait été inventé par Newton, qui était un télescope à réflexion avec un miroir, qui était beaucoup mieux, mais les plus gros de l'époque avaient à peu près 3 pouces de diamètre. Donc, c'était limité. Et ce qui intéressait particulièrement William, c'était les dimensions de l'univers, la forme de l'univers, la composition des étoiles. Donc, c'était un rêveur. Et il se disait que ça lui prenait des télescopes un peu plus gros. Et donc, comme il n'y avait pas beaucoup de moyens, il s'est dit assez vite qu'il fallait qu'il construise ses propres télescopes. Alors, il a fait des petites recherches, tout ça. Il s'est vite rendu compte que ça lui prendrait beaucoup d'aide. Et donc, en 1772, il est allé chercher sa sœur, qui était alors âgée de 21 ans, sa sœur Caroline, qui était restée en Allemagne. Et donc, il l'a amené en Angleterre. Il va lui enseigner l'astronomie, l'anglais, puisqu'elle ne parle pas un mot d'anglais, bien évidemment. Il va lui enseigner le chant aussi, parce qu'elle était une bonne chanteuse quand même. Elle va même devenir une chanteuse solo dans les orchestres et tout. Elle va se faire offrir des postes comme chanteuse, tout ça. Finalement, elle va opter pour plutôt rester avec son frère. Je pense qu'il l'a un petit peu convaincu. Et donc, avec son aide, va commencer à fabriquer des télescopes. Le premier qui fabrique a 15 pouces, mais plutôt 6 pouces de diamètre. 15 15 cm de diamètre. Toujours un télescope à miroir, c'est ça. Exactement. Donc, il se rend compte justement qu'il n'y a personne, il n'y a aucune expertise à l'époque pour fabriquer des miroirs aussi gros. Alors, il fabrique sa propre fournaise à fondre le métal. Ah, ouais. Il va couler ses propres pièces de métal fondu pour ensuite les polir pour fabriquer ses miroirs. Les moules, à cette époque-là, sont en bouse de cheval, en fait, compactées. Il va fabriquer ça, tout ça. Et la partie peut-être la plus délicate, c'est le polissage des miroirs. Ah, là, ça peut être des heures et des heures de polissage. Ça demande de la précision, là. Exactement. Et il ne faut pas arrêter, semble-t-il, dans le processus. Et donc, Caroline va l'aider énormément dans cette entreprise-là. Et donc, avec ces miroirs qu'il a fabriqués, qui étaient les plus gros de l'époque, ils vont devenir les meilleurs fabricants de télescopes de leur époque. Même si c'est des musiciens à la base, ils vont tellement se passionner pour ça, tranquillement la transition va se faire, puis ils vont devenir vraiment les meilleurs fabricants. Et ils vont vendre des télescopes jusqu'à Lucien Bonaparte, le roi d'Autriche à l'époque, dont je ne me souviens plus le nom. Et donc, avec ces télescopes, bien évidemment, ils vont observer le ciel et faire des découvertes particulièrement intéressantes qui vont changer l'idée qu'on a du ciel des cieux. Comme quoi, par exemple? Bien, premièrement, à l'époque, ils sont intéressés en particulier par ce qu'on appelle aujourd'hui les nébuleuses, qui sont, à l'époque, juste des taches de lumière. On appelle les étoiles nuages, en fait. OK. Paraissait comme ça, là. Exactement. Ouais. Donc, au lieu d'être un point très précis dans le ciel, c'est une tache lumineuse. Ouais. On appelle encore ça des nébuleuses. Blanchard, j'imagine. Ça pouvait peut-être prendre plusieurs fois. Je ne suis pas sûr qu'ils voyaient tant que ça des couleurs à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des instruments assez précis pour ça. Mais donc, ils s'intéressent à ça parce qu'ils se disent, là, comme c'est presque pas connu, ces nébuleuses, il y a peut-être là matière à découvrir des choses qu'on ne sait pas encore. Et donc, il va se mettre à étudier les nébuleuses en particulier. Et nous montrer que ces nébuleuses, en fait, sont, c'est un peu avant son temps, mais sont potentiellement des univers-îles. Hein? Donc, c'était un peu dans l'époque aussi, dans les années 1750, le philosophe Immanuel Kant avait publié, c'était une spéculation, c'était des idées, mais il se disait peut-être que ces nébuleuses sont des amas de milliers et de milliers d'étoiles qui sont extrêmement loin. Donc, c'était préfiguratif de ce qu'on va découvrir plus tard, bien évidemment. Mais à l'époque, on pense plutôt que l'univers à quelques millions de kilomètres, tout au plus, que les étoiles sont très loin de notre système solaire, mais ils sont tout de même assez proches. C'est un petit monde intime, quand même, là. Donc, c'est ce qu'on pense à l'époque. Alors, la découverte le fait de préciser la nature de ces nébuleuses par William et Caroline vont nous permettre, c'est lui qui va mettre ça en place, c'est les premières observations qui nous montrent que l'univers est peut-être en évolution et qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on pense qu'il est à l'époque où William et Caroline font leurs observations. Puisque, en observant plusieurs nébuleuses, il y en avait une centaine identifiées à son époque par Charles Messier, qui était un des premiers catalogues d'étoiles a été fait par Charles Messier. Et donc, ils vont identifier, eux, plus de 2000 nébuleuses nouvelles et voir qu'il y en a qui sont beaucoup plus concentrées en termes d'étoiles, d'autres qui sont beaucoup plus diffuses, d'autres où c'est distribué de façon égale. Et sur la base de ces observations, William et Caroline vont émettre l'hypothèse que, justement, il y a une évolution dans l'univers et chaque nébuleuse représente des espèces d'univers-îles ou des espèces de systèmes solaires, tout ça, qui sont plus ou moins âgées. Okay. Est-ce que c'était répertorié aussi, toutes ces données-là, en fait, ou ces observations-là? Non, pas du tout, puisque ces télescopes, qui étaient beaucoup plus gros et beaucoup plus précis que tous les autres, ça leur a permis de voir des choses que personne n'avait vues avant eux. D'ailleurs, quand ils ont observé une des étoiles classiques, l'étoile polaire, il y avait très peu d'astronomes à l'époque qui avaient suspecté que cette étoile était une étoile double. William et Caroline ont pu confirmer que c'était une étoile double par la précision de leur télescope. Parce que le télescope offrait une meilleure résolution. Exactement. Il collectait beaucoup plus de lumière, puis il n'y avait pas d'aberration chromatique comme les lentilles pouvaient les laisser voir. Puis en fait, celui de 15 cm, c'est le premier qui a fait. Mais ils ont fini par faire un télescope de 12 mètres de long et avec un miroir de 1,22 m. De diamètre. On ne parle plus des mêmes techniques de fabrication. Là. Pas du tout. En fait, ça avait plusieurs étages de haut. Herschel, William était perché très haut pour regarder dans l'oculaire, qui est souvent plus proche de l'ouverture que du miroir qui est en bas, en général. Et donc, sa sœur était dans une petite cabine plus bas, notait toutes les observations de son frère avec les cadrans solaires et tout. Pas les cadrans solaires, mais les cadrans pour noter l'heure, comparer avec les tables existantes et tout ça. Donc, ils ont fait un travail de moine. Ils travaillaient donc de nuit sur les télescopes et de jour, à continuer leur truc de musique, tout ça. Ils recevaient des gens, ils allaient faire des concerts. Bon, évidemment, ça s'est tranquillement atténué pour pouvoir travailler justement à la construction de ce gros télescope et tout. Et ils sont devenus complètement astronomes à ce moment-là. Et donc, pour revenir donc à cette idée de Caroline, donc, n'était pas juste l'assistante, quoi qu'elle elle était l'assistante de son frère pendant très longtemps, mais à partir de 1788, elle a fait ses propres observations et c'est là qu'elle a découvert plusieurs comètes. Okay. Et là, je veux revenir sur ce que tu as mentionné en introduction. On revient un petit peu dans le temps. Tu veux dire de l'infrarouge, là? Ouais. Ben, ça, on y reviendra, en fait. Okay. Faut voir jusqu'à quel point on a du temps, mais avec la découverte d'Uranus, dont tu mentionnais en introduction, donc c'est en 1781 où William va observer dans le ciel un point lumineux qui est un peu bizarre, donc il pense que c'est une comète, tout ça. Puis il va revenir 4 jours plus tard, parce que là, il y a des concerts à donner, il y a une nuit où il y a des nuages et tout. Puis 4 jours plus tard, il remarque que le point s'est déplacé par rapport aux étoiles environnantes. Et donc, ça se déplace, donc il confirme que c'est bien une comète, tout ça. Éventuellement, ce sera confirmé. C'est une comète un peu bizarre parce qu'elle n'a pas de queue. D'habitude, il y a toujours une traînée à une comète. Mais là, il n'est pas capable de voir de queue. Pourtant, c'est lui qui a les meilleurs télescopes de l'époque. Et donc, il va faire des assertions prudentes, envoyer ça à la Société royale, tout ça. Finalement, on va confirmer que c'est pas une comète, mais bien une planète, que son orbite est circulaire, ou en fait elliptique, mais plutôt circulaire autour du Soleil, et que comme les autres planètes, c'est une planète. Il venait donc de découvrir, à l'époque, la 7e planète qu'on a appelée, qu'il a appelée en fait Georgius Sidus, en l'honneur du roi George III à l'époque en Angleterre, et qui, gentiment, les astronomes de son temps lui ont fini par dire, on devrait peut-être l'appeler comme toutes les autres planètes, puis donner un nom grec, donc on lui a donné le nom d'Uranus, qui était le père de Saturne, en fait. Donc, c'est une généalogie, en fait, les planètes sont nommées selon la généalogie grecque. Et à l'œil nu, est-ce qu'elle est visible, Uranus? Est-ce pas la limite de la visibilité humaine? Ou... Ah, en fait, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Okay. On peut la voir avec des longues vues, des lunettes d'approche, ou avec un télescope, bien évidemment. Mais donc, on ne pouvait pas la voir avant ça. Okay. Et ça, ça a changé l'image qu'on avait depuis près de 2000 ans, en fait, sur le système solaire. On venait de découvrir donc une nouvelle planète qui doublait la taille du système solaire. Alors, c'est pas rien quand même. Ben comme si vous découvriez du jour au lendemain que votre maison est 2 fois plus grande, 2 fois plus de pièces. C'est quand même pas mal. Bon, on peut toujours pas y aller, mais quand même. Donc voilà, ils vont faire plein de découvertes comme ça. Caroline va donc, comme je disais tantôt, devenir une astronome à part entière. Elle va faire des observations à partir de 1788 et va donc utiliser son propre télescope, faire ses propres observations, réformer le catalogue d'étoiles. Ça va être son gros travail, en fait, de tout prendre les positions, tout ça, réformer les catalogues qui existaient déjà. Et elle va donc se voir remettre une médaille beaucoup plus tard. Elle va survivre à son frère de plusieurs années. Elle meurt à 97 ans. Oui, très vieux. Pourtant, très jeune, en fait, c'était peut-être pas prévu. On prévoit jamais ça, mais à l'âge de 12 ans, si je me souviens bien, elle avait eu le typhus et elle est restée très petite, en fait. Elle était tout petite, elle s'est jamais mariée un peu pour ça. Dans le temps, c'était plus difficile quand on n'était pas selon les standards de se trouver un mari. Et donc, c'est ce qu'il y a peut-être en partie permis tout son travail astronomique. Elle est allée donc aider son frère et tout ça. Mais donc, elle est devenue une astronome à part entière qui a été récompensée et qui est connue encore aujourd'hui du monde astronomique. En tout cas, on a donné des noms de comètes à son nom, Herschel. Bon, c'est Herschel, c'est pas Caroline. Mais il y a des cratères, si je me souviens bien, sur la Lune ou d'autres comètes qui s'appellent Lucretia. C'est son middle name, son nom entre Caroline et Herschel. Elle s'appelait Lucretia. Et donc, on a donné le nom de Lucretia à certains objets célestes. Voilà. Et donc, revenons à cette découverte des infrarouges. Oui. Je pense pas qu'ils étaient là d'observer le ciel, mais à un moment donné, ils ont voulu observer le soleil. Donc, le soleil était d'un intérêt pour William et Caroline. Et en observant le soleil, ils se sont rendus compte de quelque chose d'intéressant. Quand on observe dans l'oculaire, si on observe un astre aussi brillant que le soleil, évidemment, il faut mettre des filtres. Hein, on n'observait pas le soleil à l'œil nu, encore moins avec un télescope. Alors, il faut mettre des filtres. Et donc, William et Caroline s'étaient rendus compte qu'en mettant des filtres, parfois, on avait beaucoup de luminosité, mais pas beaucoup de chaleur, pas beaucoup de sensation de chaleur au niveau de l'œil. Alors que d'autres fois, on pouvait avoir beaucoup de luminosité, pas de chaleur, ou peu de luminosité et de la chaleur. Donc, il semblait pas y avoir de lien direct ou de lien linéaire entre la luminosité et la chaleur. Ça les a intrigués. Et donc, ils se sont mis en tête d'explorer le pouvoir calorifique, le pouvoir de chaleur de chacune des couleurs de la lumière du soleil. Et donc, ils ont décomposé le spectre solaire, la lumière du soleil, avec un prisme, comme Newton l'avait fait avant eux, comme bien d'autres l'ont fait aussi pour étudier la lumière et ses couleurs. Et ils ont mis des thermomètres dans les différentes couleurs du spectre. Et ils se sont rendus compte que Le rouge était toujours un peu plus chaud que le vert, qui était toujours un peu plus chaud que le bleu. Mais évidemment, en science, on fait toujours une expérience contrôle, ça prend toujours un contrôle. Et donc, ils ont mis un thermomètre au-delà du rouge, dans le spectre, où il n'y avait pas de lumière. Ah. Et à leur grande surprise... C'est là que c'était le plus chaud. C'est là que c'était le plus chaud. Bon, ils se sont dit, il y a peut-être une erreur. Ils ont mis des thermomètres un peu partout, dont un à l'extérieur du rouge, juste à côté du rouge, dans le spectre, dans la continuation du spectre. Et encore là, c'est ce thermomètre qui est devenu le plus chaud. Et donc, ils venaient de découvrir un rayonnement, un type de rayonnement qui était non visible. Donc, on ne savait pas à l'époque si c'était de la lumière. Est-ce que c'est la même nature que la lumière? Est-ce que c'est d'une autre nature? Oui. Alors, ils vont faire des tests. Ils vont montrer que ça s'est réfléchi comme les rayons lumineux, c'est réfracté dans les substances transparentes comme les rayons lumineux. Donc, ils ont toutes les mêmes propriétés que la lumière. Par contre, on ne les voit pas. Puis, comme on définit la lumière en général comme le rayonnement lumineux qu'on voit, ben, est-ce que c'est de la lumière ou non? Pas évident. Donc, ça sera plus tard qu'on déterminera que c'est effectivement de la lumière, que ça fait partie du spectre électromagnétique. C'est très large aussi. Très large, effectivement. Alors, c'est le début d'une découverte qui nous permet d'extrapoler ou en fait d'étendre justement cette lumière qui est beaucoup utilisée aujourd'hui d'ailleurs en astronomie. On fait de l'astronomie par infrarouge, mais on fait aussi de l'astronomie, de la radioastronomie, il y a des radiotélescopes. On fait de l'observation astronomique dans les rayons X, dans les rayons gamma. Et toute cette information, qui n'est pas de la lumière visible pour nos yeux, mais qui l'est pour des instruments en particulier, nous permet d'avoir des informations différentes sur les astres, sur leur présence ou non, sur leur composition, sur leur nature, sur leur distance, qu'on n'aurait pas pu faire si on avait juste eu la lumière visible. Et donc, cette découverte des infrarouges nous a permis justement de découvrir beaucoup plus sur l'astronomie. Et je voudrais quand même souligner qu'en 2021, alors, il y a un télescope qui est au nom de Herschel, qui s'appelle le télescope Herschel, qui a été en opération, si je me souviens bien, de 2009 à 2013. Il se trouve... Comment? Où est-ce qu'il se trouve? Il est en orbite, si je me souviens, il est en un point Lagrange, là, un orbite assez éloigné de la Terre, un point un peu stable de la gravité entre le Soleil et la Terre. D'accord. Mais évidemment, ils regardent au loin, ils ne regardent pas vers le soleil, tout ça. Alors, c'est compliqué de faire des télescopes pour observer dans l'infrarouge, puisqu'il faut isoler toute l'instrumentation et l'optique de la chaleur du soleil, du rayonnement du soleil. Ah ben oui, c'est vrai. Et donc, ça prend des écrans thermiques, tout ça, c'est assez compliqué. Et donc, il y a un télescope qui a été mis en orbite, le télescope Herschel, qui a été en opération de 2009 à 2013, qui observait le lointain infrarouge. Et en 2021, on va lancer un nouveau télescope. C'était le plus gros à l'époque, le Herschel, 3 mètres et demi, si je me souviens bien, de miroir. Et là, en 2021, on va lancer un nouveau télescope qui va aussi aller voir l'infrarouge, dont le miroir principal mesure 6 mètres et demi. Oh là là! Et qui va explorer le moyen infrarouge, encore une fois, comme le télescope Herschel et comme Caroline et William à l'époque, pour explorer l'univers profond, les origines de l'univers, les origines des étoiles et tout ça. Et voilà. C'est très, très, très intéressant. Merci beaucoup pour cette magnifique histoire. Et Caroline Herschel, qui a contribué à découvrir la lumière invisible, ironiquement, elle est restée invisible. Alors, merci beaucoup, Dominique, pour l'avoir sorti de l'ombre. Ça fait bien plaisir. Malheureusement, comme beaucoup d'autres femmes en sciences, mais oui. C'est en train de changer. Oui, heureusement. Merci Dominique. François.